zambi na ebana na zambi na mokonami na pona mala zambi na linga mala zambi na ebana na zambi na mokonami atalelo motema na ngekoko mona pasi ebaya papa na inazalaka evite anga na pela il est toujours près de moi ce qui n'a le lit me consolé na maloba na yo oye tunda bilaka ponanga ye mopona mina ye aloba kinanga na bangelo koteo oye zakati na ngai alikina nguya abakisi lisusu akozala nanga kinosuka ya mokili. Tu vas mettre la yes mon lolo, mon ponami, mon ponami. Bangouna nangaye, ata voye belle. Kasi voye baka, naza plus que vainqueur. Bona ma bokone ye, je suis en sécurité. Mon côté a koki, kosi manga. Bona si manangawa, bagarde basali. Au palais qui a ta bagarre présidentielle. Bajelouna Lola, ils sont à mon service. On a combattu là, bon moyenne n'a pas. A ta bon mémi, comme on a angaye. Nanzela ya mon lili, j'ai aussi ma tro. A ta bon tchelingaye, mi ta bon zela nzela. On a la kwea, et ça n'y les sens. Bangelo koteu, oya zakati nanga, aleki na mbuya, abakisi lisusu, akozala nanga ye, kinosuka ya mbuya. Nazana mutuya, nanda kwa papa, nazala kavas donna, pona zala kamwana, na katia palo royal, peli bulo yanga, kalatizo la tanzoto, soki pe masumwe, kalamba ina kwayate, ovo moinanga, na kapana zambe, rana boina baby sai, dontite kache nanga. Ya mosali na nzambe moponami ya papa nga na boyi na bebisae yanga lokumwe ya mwana na nzambe preserite ya papa naza moto mokila te nga nakodefisa nakodefa te naza na mokili kasi ya mokili te nga na mingi te shilo yo zakuya likolo mamata na lokumwa bozambe lobiko basantu yango yebelemi yatina nini nga na boyakolo na ngai bobisengo ya mokili eza efeme. Suka ya mokili nazali elembo ya bolingo ya nzambe nazali nazali elembo ya nzambe sous la gloire des humains, à combattre nos potéos. On a si mamina, on a allé qui m'a mouillé. C'est que le Seigneur vous bénisse. Somos lolos.